Regardez mon royaume à présent. Vous ne pourrez rien prouver à l'intérieur de ce lieu. Ce n'est pas en entrant ici que vous serez les hommes que vous espérez. J'aurais voulu que les choses se passent autrement. On choisit pas son enfance, évidemment. Ni les fausses notes jouées par son adolescence. On avance comme une feuille posée sur une rivière. On se laisse porter par l'insouciance. Je me souviens qu'à la messe, c'était le Far West. C'était comme se retrouver en plein désir avec pour seul guide un père perdu, une mère à l'ouest. Persuadé qu'un gosse peut marcher droit, les yeux pendés, mais sans repérer des bouts. Alors on se rattache à ce qu'on peut. Et j'ai pris ce qui se présentait devant mes yeux. On se raccroche à des faux frères qui nous ressemblent. Les mêmes produits du même système qui nous rassemble. La bande de gosses devient meute, on attise le feu. Les conneries s'enchaînent, la vie n'a plus le même enjeu. L'école j'y allais plus et puis on m'a placé. Les ZXP m'ont bien fait marrer avec leur sortie VTT. Les années passent, t'as l'impression de tourner en rond. Tu crois que tu stagnes mais en fait t'avances à reculons. La vie devient encore plus amère, tu comprends pas son sens. Et soudain 30 piges t'es rongé de questions dans tes silences. Mais qu'est-ce qui aurait pu me faire changer? Les filles, aucune ne m'a fait rêver. Avoir des gosses, tu parles si c'est pour me ressembler. Avoir un choc, rien ne m'a fait flipper. Je pensais pas pouvoir déballer tout ça. Mais rien n'est figé dans la vie, on peut faire des choix. J'ai tué la fatalité, et pour moi il est l'or. Parce que le vice n'apporte qu'une vie aigre, maigre et sans saveur. Le temps change, les choses évoluent. Le monde n'est pas figé, même notre rue. Avec le temps apparaissent les aspirations de chacun. Tes ambitions devront suivre une certaine route, un certain chemin. Le temps change, les choses évoluent. Le monde n'est pas figé, même notre rue. Tu fais ta route, tu fais tes choix. Tu peux te tromper, ok, mais la fatalité est l'excuse des hommes sans volonté. J'ai vu des hommes ivres, morts, raides, comme des enclumes, gerber leurs soucis à quatre pattes sur le bitume. J'ai vu des femmes privées de jeunesse au nom des traditions promises à des vieux sans scrupules, plein de pognon. J'ai vu des pères impuissants, les mains en sang, pensant recadrer leurs enfants en les fracassant. J'ai vu des mères pleurer leurs gosses disparus, frappés en plein cœur dans une rixe au coin d'une rue. Drogue douce mais dure fabrique tant de beaucoup de types en détresse se cachent derrière leurs dreadlocks. Trop de gars conduits dans des impasses aujourd'hui perdus et attendent que ça se passe. J'ai vu des mecs se faire lâcher pour des histoires de fric. Y'a pas de fraternité ni pitié quand ça trafique. J'ai vu des femmes vendre leur corps pour payer loyer, leurs filles pleurer le manque d'un père au foyer. J'ai vu des couples se déchirer à l'agonie, pendus comme du linge à la corde des crédits. J'en ai vu grimacer comme des singes, de compte en banque aussi sec que leur méninges. J'ai vu des vieux avec de l'or dans les yeux, plein de projets, et des jeunes fermés les leurs déjà vieux, sans projet. Trop de gâchis, de confusion, de gaspillage. Trop de gens fléchis sous pourris avant l'âge. À toutes les enfants déçus, à tous ceux qui sont perdus, à ceux qui brisés par un drame se sentent vaincus. Et ces conditions de vie qui créent des routes sans issue. Et malgré tout, j'en ai vu beaucoup reprendre le dessus. Personne ne peut changer le passé. Les regrets ne nous font pas avancer. Le temps change, les choses évoluent. Le monde n'est pas figé, même notre rue. Avec le temps apparaissent les aspirations de chacun. Tes ambitions devront suivre une certaine route, un certain chemin. Le temps change, les choses évoluent. Le monde n'est pas figé, même notre rue. Tu fais ta route, tu fais tes choix. Tu peux te tromper, ok, mais la fatalité est l'excuse des hommes sans volonté.